Ce soir-là, le baron Hulot rentre chez lui. « Nous restes-tu ce soir ?» lui demanda la baronne. « Non, mes enfants. Après le dîner, je vous quitte. Et si ce n'était pas le jour de la chèvre, de mes enfants et de mon frère, vous ne m'auriez pas vu. » La baronne prit le journal, regarda les théâtres et posa la feuille où elle avait lu « Robert le Diable » à la rubrique de l'opéra. Josepha, que l'opéra italien avait cédé depuis 6 mois à l'opéra français, chantait le rôle d'Alice. Cette pantomime n'échappa point au baron qui regarda fixement sa femme. De ce fait, le baron, qui se reprochait la ruine de sa famille, déploya toutes les ressources de son esprit et de ses grâces de séducteur pour sa femme, pour ses enfants et pour sa cousine Bette. En voyant venir son fils et Célestine Crevel, qui nourrissait un petit Hulot, il fut charmant pour sa belle-fille. Il l'accabla de compliments, nourriture à laquelle la vanité de Célestine n'était pas accoutumée, car jamais fille d'argent ne fut si vulgaire ni si parfaitement insignifiante. Le grand-père prit le marmot, il le baisa, le trouva délicieux et ravissant. Il lui parla, le parlait des nourrices, prophétisa que ce poupard deviendrait plus grand que lui, glissa des flatteries à l'adresse de son fils Hulot et rendit l'enfant à la grosse Normande chargée de le tenir. Aussi Célestine échangea-t-elle avec la baronne un regard qui voulait dire « Quel homme charmant !» Naturellement, elle défendait son beau-père contre les attaques de son propre père. « Ah, voici mon frère !» dit le baron Hulot en allant recevoir le comte à la porte du salon. Le comte Hulot, pair de France, était dispensé d'aller aux séances à cause de sa surdité. « Vous êtes tous gais, » dit-il, en voyant l'animation que le baron répandait dans cette petite réunion de famille. « Hortense n'est cependant pas mariée, » ajouta-t-il, en reconnaissant sur le visage de sa belle-sœur des traces de mélancolie. « Ça viendra toujours assez tôt !» lui cria dans l'oreille la Bette d'une voix formidable. « Vous voilà bien, mauvaise graine, qui n'a pas voulu fleurir, » répondit-il en riant. Le comte Hulot, héros de Forzheim, aimait assez la cousine Bette, car il se trouvait entre eux des ressemblances. Sans éducation, sorti du peuple, son courage avait été l'unique artisan de sa fortune militaire, et son bon sens lui tenait lieu d'esprit. Cette union si vraie de sa famille fit penser à Madame Hulot. Voilà le plus sûr des bonheurs, et celui-là, qui pourrait nous l'ôter? Quiconque eût vu cet intérieur de famille aurait eu de la peine à croire que le père était aux abois, la mère au désespoir, le fils au dernier degré de l'inquiétude sur l'avenir de son père, et la fille occupée à voler un amoureux à sa cousine.